Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous propose cette semaine de redécouvrir une série d'émissions sur le philosophe Hegel, enregistrée en avril 2018. Aujourd'hui, l'histoire a-t-elle un sens? Saviez-vous qu'il existe une cérémonie des Césars de la philosophie? Le César de la philosophie la plus malsaine est attribué à Freud. Celui du meilleur costume à Diogène, qui vit nu dans un tonneau. Le César de l'honnêteté est remis à Socrate pour avoir affirmé « je sais que je ne sais rien ». Et à mesure que la soirée avance, arrive enfin le prix ultime. Et le César de la phrase qu'on a essayé de comprendre mais qu'on n'est pas sûr d'avoir comprise est attribué à Hegel pour « si maintenant devient présente à la conscience dans son œuvre l'opposition du vouloir et de l'accomplir, du but et des moyens ». Dans son ensemble de la réalité effective elle-même, l'unité et la nécessité de cette opération n'en sont pas moins également présentes. Ce côté chevauche sur l'autre et l'expérience de la contingence de l'opération est elle-même seulement une expérience contingente. Hegel. Bonjour Gilles Marmas. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. On va essayer de pas endormir le public comme celui de la cérémonie des Césars. On va essayer. C'est le youtubeur Cyrus North qui a imaginé cette nuit des Césars dans sa chaîne YouTube. La vidéo atteint les 115 000 vues. Ça donne envie d'organiser une vraie cérémonie de la philosophie, non, d'ailleurs? Oui, alors effectivement, c'est un petit peu, voilà, c'est traité Hegel un petit peu, donc par le ridicule. Et pourquoi pas? Car il est un philosophe qui se prend quand même terriblement au sérieux. Donc, oser en rire, c'est assez sain, en réalité, comme attitude. Alors, de fait, ça souligne le côté extraordinairement difficile de Hegel, décourageant pour beaucoup, fascinant aussi parfois. L'interprète fait le pari qu'il y a une intelligibilité et que l'on peut reconstituer le sens de ce genre de propos, notamment en examinant les figures concrètes que Hegel évoque comme illustration de ses propositions. C'est le secret, c'est de commencer ou d'arriver, d'avoir en tête les figures concrètes dont vous voilà, parlez. Ça je pense que c'est une bonne méthode. Mais alors la méthode la plus générale que je recommanderais, ça serait d'essayer de saisir tout ensemble. Essayer de saisir tout ensemble, c'est-à-dire élaborer des schèmes interprétatifs qui fonctionnent dans tous les lieux du système. Enfin, je dirais que c'est la méthode de vérification des schèmes interprétatifs que l'on peut forger à propos de Hegel. Voir si les schèmes fonctionnent dans tous les lieux, par exemple dans la logique, dans la nature, dans l'esprit. Qu'est-ce que c'est un schème? Non, mais c'est-à-dire que tout philosophe, enfin, je dirais que tout lecteur de Hegel va à Hegel avec un certain schéma interprétatif, c'est-à-dire une idée du fonctionnement de l'encyclopédie, une certaine idée des grandes décisions philosophiques de Hegel, quelle est sa vision du monde, quelle est sa vision de l'homme, etc., etc. Bon, alors ça, ce sont des schèmes. Hein, on ne peut pas aller à Hegel sans faire d'hypothèses très fortes. La question est de savoir si elle fonctionne en tout lieu. Et je dirais que ça, c'est un bon critère de vérification de son interprétation. Votre hypothèse, Gilles Marmas, si j'en crois le titre des ouvrages que vous avez écrits, c'est celle de la réconciliation. Dire que Hegel proposerait une philosophie de la réconciliation, c'est le titre d'un livre qui est paru sous votre plume aux éditions Ellipse, et vous avez également publié chez Vrin l'histoire hegelienne entre malheur et réconciliation, aussi un autre ouvrage sur le droit, Hegel et le droit, aux éditions du CNRS. Une philosophie de la réconciliation, c'est une bonne manière d'entrer dans Hegel, se dire que ce qui peut paraître contradictoire, eh bien, sera réconcilié, sera unifié. En effet, il me semble, si vous voulez, que Hegel fait absolument droit à la contradiction, en réalité. Hein. Ce n'est pas un philosophe qui nierait le conflit, la violence, l'injustice, la mort. Donc, tous ces phénomènes trouvent une place dans sa pensée. Mais simplement, sa thèse, c'est que ces phénomènes ne sont pas le dernier mot des processus qu'il entend étudier. Hein. Sa thèse, c'est qu'il y a un devenir, une genèse de la réalité qu'il étudie, de la réalité qu'il appelle effective, et une genèse qui est tendue vers le surmontement des contradictions et, in fine, l'accès à la réconciliation. Vous dites qu'il faut partir de figures concrètes, et c'est vrai, quand on vous entend, on est dans une forme d'abstraction. Oui. Est-ce qu'il y a une figure concrète qui permet de comprendre ce que vous venez de dire ? Écoutez, ce serait par exemple alors le monde européen post-antique, qui constitue donc la troisième grande phase de l'histoire. Et pour Hegel, tout commence, si vous voulez, avec le monde germanique primitif, qui se caractérise à ses yeux par des formes de sauvagerie, de barbarie, mais déjà d'amour de la liberté, est le point fondamental. Bon. Et ensuite, on va entrer dans le Moyen-Âge, et pour Hegel, le Moyen-Âge est absolument divisé. C'est le monde féodal, un état sans unité, marqué aussi par le conflit violent de l'Église et de l'État. Et puis, à l'époque moderne, alors il y a une réconciliation, une forme de réconciliation, qui pour Hegel s'identifie avec l'État protestant, dans lequel la souveraineté des États se restaure, et dans lequel il y a donc une sorte d'accord entre les intérêts temporels gérés par l'État et les intérêts spirituels gérés par les églises, et dans lesquels, en réalité, les parlements ont aussi de plus en plus d'influence. Voilà, c'est un exemple, parmi beaucoup d'autres, de processus qui aboutit in fine à la réconciliation. Et votre exemple est de type historique, ça tombe bien, parce que l'émission du jour porte sur une question qui renvoie à un ouvrage de Hegel intitulé « La raison dans l'histoire », qui, alors là, on peut le dire, et rassurons les auditeurs, un des ouvrages accessibles de Hegel. Si on peut l'ouvrir à n'importe quelle page, les phrases sont compréhensibles, il y a des exemples très clairs, parlants, des moments assez poétiques, voire lyriques, on y viendra, notamment lorsqu'il parle de la place des grands hommes dans l'histoire. La thèse principale de ce texte, enfin il y en a plusieurs, on va les envisager ensemble, Gilles Marmas, c'est de dire que l'histoire a un sens et que la raison gouverne l'histoire. Ce qui peut paraître un peu effrayant. Quelle est cette raison qui gouverne l'histoire ? Est-ce que ça veut dire que nous ne sommes pas libres et que nous sommes pris dans les mailles du filet historique qui dépasse largement notre propre vie ? Voilà. Alors là, vous faites référence à une interprétation que je dirais elle-même historique, puisque elle a eu cours et elle a encore très largement cours. Et il faut dire que cette interprétation est presque directement impliquée par la lettre du texte. Mais presque. Presque. Je ne la suivrai pas tout à fait, puisque justement, je pense qu'il faut toujours interpréter Hegel à partir du tout. Alors, l'histoire est rationnelle. Hegel ne cesse de l'affirmer, mais que signifie rationnel pour lui ? Rationnel, ça ne peut pas signifier, gouverner par une instance extérieure, justement. Vous voyez, c'est pour ça que c'est une manière de récuser de l'interprétation que vous mentionniez il y a un instant. Rationnel, ça veut dire réconcilier, ça veut dire qu'il y a un sujet qui domine l'objectivité à laquelle il se rapporte. Bon, donc, dire que l'histoire est rationnelle, ça implique que l'histoire est le fait d'un sujet autonome qui se développe par lui-même et qui réalise des fins immanentes. Alors vous allez me dire, mais quel est ce sujet et qu'est-ce qui nous permet de dire qu'il est rationnel ? Mon interprétation, assez simple, c'est que le sujet de l'histoire, c'est le peuple. Voilà. Et pour Hegel, le peuple est l'acteur de son devenir et la grande affaire de l'histoire, c'est l'accès du peuple à la liberté. Bon. Voilà, donc c'est une manière, si vous voulez, de répondre à votre question. Que signifie que l'histoire est rationnelle ? Réponse, il y a une instance qui est le sujet de son devenir, un sujet efficient. Mais en même temps, alors ça c'était le premier point, mais deuxième point, l'histoire n'est pas entièrement rationnelle. Qu'est-ce qui autorise à dire cela ? Justement, alors le système hegelien présente le devenir de la réalité effective, que Hegel nomme régulièrement l'absolu, un devenir vers une rationalité de plus en plus intense. Or, l'histoire, ce n'est qu'une étape de ce devenir. Et le moment véritablement achevé de ce devenir, ce n'est pas l'histoire, c'est ce que Hegel appelle l'esprit absolu. Mmh. Hein, nous y reviendrons peut-être. Enfin, les œuvres d'art, les représentations religieuses, les œuvres philosophiques. L'histoire est en deçà de l'esprit absolu, car elle est dans l'esprit objectif. Elle est en deçà. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait en elle une rationalité complète. Mais, comment est-ce que cela se manifeste de la manière la plus simple ? La raison dans l'histoire est divisée. Elle est divisée en peuples. Hein. Donc chaque peuple a une valeur, chaque peuple poursuit des fins. C'est ce qu'il y a de rationnel dans l'histoire. Mais chaque peuple est également trop particulier. Chaque peuple représente un principe, fini de l'histoire. Et c'est ce qui, dans l'histoire, est irrationnel. Et cela va se manifester notamment par les conflits entre les peuples, leur concurrence, le fait qu'ils vont se supplanter les uns les autres, et le fait aussi qu'ils vont mourir. Tout peuple, aux yeux de Hegel, est mortel. Donc, l'histoire est rationnelle, au sens où son principe, ce sont des sujets autonomes, mais l'histoire est incomplètement rationnelle, parce que chaque sujet de l'histoire a quelque chose de décevant et, pour cette raison même, de voué à la caducité, à la mortalité. Alors, vous vous situez au sein, voire au sommet du système hegelien, parce que vous le connaissez très bien, Gilles Marmaz. Donc, vous voyez où vous voulez aller. Moi, je vais me situer en deçà, en dessous, à l'extérieur. Et dans ce que vous dites, il y a beaucoup de choses qui me paraissent contre-intuitives. Par exemple, l'histoire n'est qu'une étape. Oui. Comment est-ce qu'on peut... Est-ce que ça veut dire qu'il faut sortir de l'histoire ? Tout ce que vous dites, vous avez dit, ce n'est pas comme une œuvre d'art, une œuvre philosophique, une œuvre religieuse. Mais une œuvre d'art a une histoire, une œuvre philosophique aussi. Qu'est-ce que ça veut dire, l'histoire n'est qu'une étape ? Parfaitement. Alors, il y a aussi une histoire de l'art, il y a aussi une histoire des religions et une histoire de la philosophie. Assurément. Mais l'histoire, au sens non pas strict, mais au sens particulier, dont parle Hegel dans... La raison dans l'histoire, c'est l'histoire des peuples, qui est notamment l'histoire, la configuration subjective des peuples. On pourrait dire, avec un terme moderne, qui n'est pas chez Hegel, mais c'est l'histoire des mentalités. Et par ailleurs, c'est l'histoire des institutions politiques. Chaque peuple se donnant progressivement un régime politique qui lui convient. Donc effectivement, il y a une histoire... En dehors de l'histoire, si vous voulez, il y a une histoire de l'art, etc., etc. Mais l'histoire dont nous parlons actuellement, qui fait l'objet des leçons sur la philosophie de l'histoire, c'est seulement l'histoire des peuples. C'est ça, vous faites bien de le préciser, vous parlez de philosophie de l'histoire, parce qu'en fait, il y a plusieurs façons de parler de l'histoire. L'approche de Hegel est une approche de philosophie de l'histoire, c'est-à-dire qu'il y a un ensemble homogène présupposé lorsqu'on parle de l'histoire, c'est pas simplement une dimension, disons, objective ou factuelle qui consisterait à faire la liste des dates importantes qui ont construit l'histoire telle que nous la connaissons. Non, il y a vraiment, là, on retrouve le terme de sens de l'histoire au double sens. C'est-à-dire qu'il y a une direction et puis il y a peut-être un but, une raison d'être à cette histoire. Oui, oui. Alors, il y a une direction et cette direction consiste en un progrès, ça c'est une thèse fondamentale. En plus, il y a un progrès, c'est ça. Absolument, progrès. Et c'est une thèse qui n'est absolument pas originale à son époque. Et je défendrai la thèse selon laquelle Hegel est un homme des Lumières, voyez. Et comme Condorcet, comme Kant, comme Fichte, la plupart des auteurs de son époque, il pense qu'il y a un sens de l'histoire et en plus un sens progressif. Alors que quelqu'un donc comme Rousseau pense qu'il y a un sens de l'histoire, mais cette histoire est une décadence. Voilà. Et alors, pourquoi est-ce qu'il y a un sens de l'histoire ? Pourquoi ? C'est ça la question. Parce qu'il y a une volonté des peuples. Je dirais une tendance, voire une pulsion des peuples, une pulsion vers l'autodéveloppement. Et alors, une volonté qui est initialement obscure à elle-même, qui aura bien du mal, souvent, à se déployer, à se réaliser. Mais voilà, les peuples aspirent à la liberté, et c'est ça qui fait démarrer l'histoire et qui la fait avancer. Donc si on suit Hegel, l'histoire est progressive, et le progrès que suit le peuple, ou que suivent les peuples, est celui de la liberté. C'est-à-dire que plus on avance dans l'histoire, plus les hommes sont libres ? Parce que là, il serait facile de lui opposer un démenti. Ah oui, non, mais je vois le démenti arriver. Alors, oui et non. Parce que, justement, la philosophie hegelienne est une philosophie de la négativité qui consiste en une succession de figures ou de moments. Et il y a, comment dire, immanquablement, des phases de chute, des phases de scission, des phases de conflit insoluble. Donc, il n'y a pas de progrès linéaire. C'est l'idée bien connue, quoique aussi mal connue, de la dialectique hegelienne. On n'avance pas en droite ligne, mais on avance en niant le commencement, en niant les figures antérieures, et l'échec et le malheur sont des ingrédients inévitables du progrès. In fine, réconciliation, mais après un passage par le non-sens. Mais pour savoir ça, il faut se situer hors de l'histoire. Pour savoir que ça n'est qu'un passage, pour savoir que la liberté viendra ensuite. La position de Hegel est un peu celle d'un dieu qui regarderait, qui contemplerait sa création en sachant pertinemment où, dans quelle direction les choses vont. En effet, et ça fait partie des reproches que l'on peut adresser à Hegel. Comment dire ? Alors, Hegel pense en effet qu'il se situe à un moment d'achèvement de l'histoire. Et voilà, mais c'est le point important. Oui. Hegel ne prétend absolument pas parler de l'avenir. Il parle du passé et du présent. Voilà, donc en fait, il ne se conçoit ni comme un dieu, ni comme un prophète. Oui, il parle de fin de l'histoire. Oui, mais il peut parler de la fin de l'histoire parce que la fin de l'histoire, nous y sommes. D'accord. Mais c'est au sens où Fukuyama parle de fin de l'histoire ? C'est-à-dire qu'il y a un des moteurs principaux qui structurait le rapport entre les peuples qui se défait. Fukuyama le dit au moment de la chute du mur de Berlin. Hegel, est-ce qu'il le dit dans le même sens ? Il y a une... Si vous voulez, il se trouve que Fukuyama a lu Kojève. Et donc il interprète... Qui est un grand lecteur de Hegel. De Hegel, exactement. Donc Fukuyama se réclame de Hegel. En même temps, c'est une lecture très naïve. Donc on ne peut pas dire qu'il y ait, comment dire, homogénéité entre les deux pensées. Mmh. De toute façon, ils ne sont pas sur le même niveau. Alors, Donc la fin de l'histoire pour Hegel, vous alors, disiez. Alors, qu'est-ce que c'est que la fin de l'histoire ? C'est comment dire, l'expression de fin de l'histoire a fait beaucoup fantasmer et a conduit à certains malentendus, en réalité. Alors d'abord, la fin de l'histoire, ce ne sont pas les trompettes du jugement dernier. Ce n'est pas non plus le grand soir de la révolution prolétarienne, ne serait-ce que parce que aussi bien l'Apocalypse que la révolution prolétarienne sont à venir. Or, Hegel ne cesse d'affirmer que le philosophe n'a pas à parler de l'avenir. Donc, vous voyez, c'est une première différence. Alors, un autre point, si vous voulez, c'est que la fin de l'histoire, ce n'est pas l'arrêt de l'histoire. Non, la fin de l'histoire, c'est l'accession au but, mais selon un schéma tout à fait aristotélicien, quand on se réalise adéquatement, ce n'est pas du tout une mort, ce n'est pas du tout donc un arrêt, c'est une vie dans la plénitude. En fait, la fin de l'histoire, c'est l'accomplissement. Exactement, vous l'avez dit, la fin de l'histoire, c'est un accomplissement. Autre chose qu'il faut dire, c'est que lorsque l'histoire s'achève, elle ne met pas fin à toutes ces contradictions. Elle met fin à certaines contradictions qui sont propres à l'histoire, en fait, qui sont les réalités des phases antérieures, de celle à laquelle nous sommes finalement. Mais il y a des contradictions caractéristiques de l'histoire en général. J'ai parlé de l'esprit objectif tout à l'heure, l'histoire fait partie de l'esprit objectif, et ces contradictions-là, on ne peut pas y mettre fin. Je m'explique. Dans l'histoire, on a toujours affaire à des peuples mortels. Il n'y a aucune raison de penser que la fin de l'histoire nous fasse échapper à cette mortalité. Autre chose, dans l'histoire, on a affaire à des guerres. La fin de l'histoire ne nous fait pas échapper aux guerres. Dans l'histoire, on a affaire à de l'injustice. Même chose, la fin de l'histoire ne nous affranchit pas de ces injustices. Alors, qu'est-ce que ça change ? Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui se passe dans la fin de l'histoire ? Eh bien, si vous voulez, la fin de l'histoire, dirais-je, pour Hegel, c'est le monde européen post-antique, hein, rien de plus. Et c'est le monde qui découvre que qui est libre ? Non pas un seul homme, non pas quelques-uns, mais tous les hommes, parce que l'homme est libre en tant qu'homme. Et deuxième élément, la fin de l'histoire se caractérise par un type de régime. Ce n'est plus le régime despotique, ce n'est plus le régime scindé de la Grèce et de Rome, alors régime éventuellement démocratique et républicain, mais fondé sur l'exploitation des esclaves. C'est un régime monarchique, fondé sur la volonté universalisée du peuple, qui, aux yeux de Hegel, est un régime réconcilié, hein, qui permet en réalité à la volonté du peuple d'être vraiment autonome. Donc mais voyez, ouais, nous n'avons jamais été aussi libres, nous dit Hegel, qu'au moment où il écrit, ce qui contredit effectivement des thèses contemporaines. Hein, Rousseau, l'homme est né libre et partout il est dans les fers. Voilà, il y a une espèce, pour le coup, d'optimisme hegelien. Tout à fait. À l'égard du présent. C'est parfaitement clair. Hein. Et on peut le lui reprocher d'ailleurs, hein, une sorte de vision enchantée du présent. Mais en même temps, Hegel ne cesse de souligner que, bon, certes, achèvement, mais achèvement de l'histoire. Et donc, encore une fois, nous ne pouvons pas être heureux dans l'histoire. Nous ne pouvons pas être heureux dans l'histoire. Non. Parce que nous sommes heureux, enfin, nous ne sommes véritablement heureux et libres que dans la contemplation esthétique, le culte religieux et la pensée philosophique. Je vous propose de découvrir un extrait de La raison dans l'histoire où il est question de ce malheur à propos des grands hommes. Parce que vous disiez l'histoire et surtout l'histoire des peuples, mais Hegel accorde de nombreuses pages, très belles pages, à l'histoire de ce qu'il appelle les grands hommes. Ce n'est pas le bonheur qu'ils ont choisi, mais la peine, le combat et le travail pour leur but. Leur but, une fois atteint, ils n'en sont pas venus à une paisible jouissance. Ils n'ont pas été heureux. Leur être a été leur action. Leur passion a déterminé toute leur nature, tout leur caractère. Leur but atteint, ils sont tombés comme des douilles vides. Ils ont eu peut-être du mal à aller jusqu'au bout de leur chemin, et à l'instant où ils y sont arrivés, ils sont morts. Jeunes comme Alexandre, assassinés comme César, déportés comme Napoléon. Qu'ont-ils gagné, peut-on se demander. Ce qu'ils ont gagné, c'est leur concept, leur but, ce qu'ils ont accompli. Ils n'ont rien gagné d'autre, ils n'ont pas connu la jouissance paisible. C'est une affreuse consolation de savoir que les hommes historiques n'ont pas été ce qu'on appelle heureux. Mais seule la vie privée, laquelle ne peut exister que dans des conditions extérieures très différentes, peut connaître le bonheur. Ceux qui ont besoin d'une consolation aussi affreuse peuvent la chercher dans l'histoire. Mais seule la jalousie en a besoin. La jalousie qui est gênée par ce qui est grand et excellent et qui cherche à l'amoindrir et à lui trouver des défauts. Les grands ne furent grands que parce qu'ils ont été malheureux. Ainsi résonne la jalousie pour pouvoir supporter la grandeur et se mettre sur un pied d'égalité avec elle. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, la symphonie héroïque, la symphonie numéro 3 en mi bémol de Beethoven qui vient accompagner ce texte de Hegel qui nous accompagne cette semaine. Et aujourd'hui, Hegel et l'histoire, la raison dans l'histoire, c'est le titre du livre dont nous parlons aujourd'hui, en compagnie du philosophe Gilles Marmas qui enseigne la philosophie à l'université de Poitiers et qui est l'auteur entre autres d'un livre intitulé Hegel, une philosophie de la réconciliation aux éditions Ellipse. Le texte que je viens de lire, on a pu l'entendre, Gilles Marmas, est non seulement très clair, très beau aussi, il y a une forme d'émotion qui se dégage de ce texte et qui cerne très bien ce qui caractérise le grand homme et notamment la jalousie qui fait qu'on se réjouit de son malheur. Et mais ce que vous disiez, c'est que ce malheur, finalement, il est partagé par tous dans l'histoire. Voilà, c'est, vous voyez, c'est un des nombreux symptômes de la finitude de l'histoire, selon Hegel, et c'est un argument, hein, que l'on peut mobiliser pour montrer que la raison, selon Hegel, est une raison modeste. C'est une raison en devenir et qui n'est aucunement affranchie de l'échec. Bon, le grand homme. Alors, si vous voulez, effectivement, la question donc du grand homme, elle est importante chez Hegel. Que fait le grand homme ? Le grand homme, c'est celui qui réforme les institutions et qui, éventuellement, conquiert un empire. Bon. Mais qui est le grand homme ? Réponse, il est l'expression de son peuple. Pas plus, pas moins. Que veut le grand homme ? Ce que le peuple veut, mais sans le savoir. Et la génialité du grand homme, c'est simplement cette perspicacité qui lui fait discerner ce que le peuple veut, alors que le peuple lui-même est inconscient de son vouloir. Et cette perspicacité est aussi la clé de son efficacité. Car la tâche du grand homme, notamment dans son rôle institutionnel, c'est de changer la volonté du peuple. Mais évidemment, cette opération va simplement consister à faire advenir à elle-même la volonté du peuple en soi, virtuelle. Donc c'est pour ça que l'opération du grand homme sera finalement assez aisée. Hein. Et donc Hegel oppose le grand homme à l'aventurier. Hein. L'aventurier, ça peut être quelqu'un d'extraordinairement brillant et intelligent, mais simplement l'aventurier, il ignore ce que veut le peuple. Donc l'aventurier échouera alors que le peuple se rassemble autour, dit Hegel, de la bannière du grand homme. Bien, mais alors là, on n'a toujours pas compris pourquoi est-ce que le grand homme finalement finit si mal, hein, dit le texte, donc jeune comme Alexandre, assassiné comme voilà, César assassiné, et déporté comme Napoléon. Comme Napoléon. Voilà. Quelle est la source finalement de cet échec ? Donc il y a plusieurs éléments. Alors une première idée fondamentale, c'est que le grand homme, dit Hegel, est intéressé. Le grand homme veut être heureux. Et dans cette proposition, il y a une prise de position anti-kantienne. Hein. Pour Kant, on le sait, selon les fondements de la métaphysique des mœurs, selon la critique de la raison pratique, une action dont le mobile est l'inclination sensible, ne saurait être considérée comme bonne à proprement parler. C'est une morale de l'intention. Chez Kant. Voilà, hein. Et donc, Hegel s'oppose à cela très vivement en disant « mais être intéressé, vouloir être heureux, cela n'a rien d'immoral, et en tout cas, historiquement, ça ne peut pas être un motif de condamnation du grand homme. » Alors, le grand homme, il est intéressé. Hein. Mais il y a quelque chose de plus, il est passionné. Mais pardonnez-moi, il est intéressé, mais c'est pas grave. Enfin, pourquoi c'est un problème ? Si cela permet d'amener le peuple là où il voulait aller de toute façon. Exactement. Et si on s'oppose à une morale kantienne qui juge l'intention, eh bien, le grand homme est intéressé, soit. Le grand homme est intéressé, ce n'est pas grave, mais c'est la source de son malheur. Parce que, vous voyez, il va réussir dans son entreprise que je vais qualifier d'universelle, hein, c'est-à-dire son entreprise proprement politique, par exemple César, sans qu'il ait temps de mettre à bas les institutions vermoulues de la République romaine, et ça va être un plein succès, hein. Mais par ailleurs, César veut le pouvoir pour lui-même. Hein. Et là, il est en concurrence avec d'autres acteurs de l'histoire, par exemple Pompée et Crassus. Mmh. Alors ça, voyez, ce n'est plus la dimension universelle de l'agir de César, c'est sa dimension particulière. Et en quelque sorte, César et ce qui est particulier est voué à tomber pour Hegel. Hein, et donc, inévitablement, dans sa quête de bonheur, dans son intérêt particulier, César va échouer, va se traduire par exemple par son assassinat. Il faut entendre par bonheur intérêt particulier, oui. Voire égoïsme, et oui. Savoir que pour Hegel, quand l'intérêt particulier prend le dessus sur l'intérêt collectif, alors le premier est assuré de mourir, d'être assassiné ou d'être malheureux en tout cas. Pas tout à fait, parce que Hegel ne nous dit pas qu'il y aurait un intérêt qui prendrait le dessus sur l'autre. Les deux vont de pair. Mais simplement, l'intérêt universel fonctionnera et l'intérêt particulier échouera. C'est César... comme un sacrifice alors, presque. Exactement, voilà. Et d'ailleurs, le mot de sacrifice apparaît continuellement dans la raison, dans l'histoire. Ça fait vraiment partie du langage hegélien. Les grands hommes sont sacrifiés. qui est d'ailleurs, ça fait partie du langage hegelien, et c'était pas sans rappeler le langage chrétien. Oui. Il y a beaucoup oui. de remarques depuis le début de cette série d'émissions que nous faisons sur Hegel depuis lundi, de commentaires sur l'aspect, bah, peut-être chrétien de la philosophie de Hegel, où beaucoup de termes semblent être repris directement du christianisme. Oui, je pense que c'est une dimension qui, effectivement, est extrêmement importante, mais en même temps, le grand homme, par exemple, n'est pas du tout un saint. Et Hegel passe son temps à souligner ce que les grands hommes ont de peu vertueux, et il dit mais c'est pas grave, parce que ils vont dans le sens de l'histoire. Et par exemple, si vous voulez, pour revenir sur le cas César, mmh. hein, qui est un des exemples fétiches de Hegel, il oppose les déclamations vertueuses de Cicéron. Mais Cicéron est un conservateur qui veut maintenir en l'état les institutions républicaines, à la moralité de César, à sa violence, évidemment au caractère parfaitement illégal de son action, mais la légitimité historique, dit Hegel, n'est pas du côté de la vertu, elle est du côté de la transgression. César a le bon droit de son côté, même si son action est tout à fait illégale, et si sa vie personnelle est tout à fait immorale. Peu importe. Justement, ce sont les valets de chambre, hein, moralisateurs, qui ne voient pas la grandeur des hommes historiques, hein, qui voient leur côté transgressif, leur éventuelle immoralité, et qui ne voient que ce côté négatif, et qui s'autorisent de l'éventuel vice des grands hommes pour les condamner de manière générale. C'est la jalousie dont parle Hegel dans le texte. Exactement, c'est la jalousie dont parle Hegel, en des accents presque nietzschéens, comme vous l'avez remarqué. Vous disiez, le deuxième trait caractéristique du grand homme, c'est la passion. Oui, oui. Et la passion tient une place très grande dans le texte dont nous parlons aujourd'hui, avec cette phrase qui est restée célèbre et qu'on cite souvent. En ce sens, nous devons dire que rien de grand ne s'est accompli dans le monde sans passion. Alors c'est une très belle phrase en effet, c'est une phrase assez énigmatique, hein, qui n'est pas si simple à comprendre. Apparemment, nous avons affaire à une apologie de la passion, et on pourrait dire, ce serait peu étonnant, puisque Hegel écrit à l'époque du romantisme naissant, hein, qu'on pense au brigand de Schiller, qu'on pense au Werther de Goethe, hein, et donc à une époque où la passion est en effet tout à fait valorisée, voire exaltée. Et d'ailleurs, Hegel définit entre autres la passion comme l'énergie du vouloir. Bon. Donc, on pourrait interpréter ce texte comme si Hegel prenait fait et cause pour la passion au détriment de la raison. Est-ce bien le cas? Je ne pense pas. Je crois que Hegel a en réalité une lecture ambivalente de la passion du grand homme. Effectivement, la passion, c'est son énergie, mais c'est aussi sa particularité. La passion, confine à la monomanie. Hein, et Hegel explique, hein, que les hommes passionnés poursuivent un but et un seul. Mais ce qui, sous sa plume, n'est pas forcément un compliment. Donc, à mon avis, que veut dire la phrase « rien de grand ne s'est accompli sans passion » Il veut dire que d'importance universelle ne s'est accompli sans un corrélatif particulier, voire médiocre. Encore une fois, si vous voulez, hein, on est dans cette théorie de la finitude de la raison historique. Les grands hommes sont admirables. Mais ils meurent aussi. Mais ils ont aussi des petits côtés. Hein. Oui, ils peuvent être médiocres. Oui. Voilà, il n'y a pas de grandeur sans mesquinerie. Et c'est ça l'histoire. Eh bien, on va prendre un exemple, cette fois-ci non pas César, mais Napoléon, qui décrit ce que vous dites et ce que dit Hegel, mais le Napoléon de Tolstoï. Souvenez-vous, lors de la bataille de Borodino, c'est le 7 septembre 1812, Napoléon engage la bataille. On trouve dans Guerre et paix de Tolstoï le prince Andrei Bolkonski qui va réaliser un acte héroïque, qui va s'emparer d'un étendard, courir vers l'ennemi, être touché par un obus. On a le caractère grandiose de Napoléon qui frise la médiocrité et au contraire ce personnage qui paraissait moins héroïque que Napoléon qui atteint une dimension héroïque. Écoutez, c'était une lecture par Théâtre et Compagnie en 2010 réalisée par Cédric Ossir. Napoléon, comme s'il n'avait attendu que ce moment, déganta une de ses belles mains blanches, fit de son gant un geste au maréchaux et donna l'ordre d'engager la bataille. La voilà venue la minute décisive. Kutuzov restait toujours au même endroit et sans répondre, tira un mouchoir. Du sang coulait sur sa joue. Vous êtes blessé ? La blessure n'est pas ici, mais là, arrêtez les fuyards ! Arrêtez ces canailles ! Oh, Bolkonski, mais qu'est-ce que cela veut dire ? Enfin, c'est à mon tour d'agir. En avant, les gars ! Hurrah ! Comme le drapeau vacillait dans ses mains, un sous-officier voulut le lui prendre et fut tué sur le champ. Le prince André le saisit de nouveau et, le traînant par la hampe, continua sa course avec le bataillon. Il n'était plus maintenant qu'à 20 pas de la batterie. Il lui sembla soudain qu'il recevait sur la tête un coup de bâton asséné à toute volée par un des soldats qui l'entouraient. « Qu'est-ce qui se passe ? Je tombe ?» se dit-il. « Mes jambes se dérobent. » Et il s'écroula sur le dos. Il rouvrit les yeux. « Quel calme ! Quelle paix ! Quelle majesté ! Quelle différence entre notre course folle parmi les cris et la bataille ! Quelle différence entre la rage stupide et la marche lente de ces nuages dans ce ciel profond, infini ! Comment ne l'ai-je pas remarqué jusqu'alors ? Et que je suis heureux de l'avoir découvert, enfin ! Et oui, il est des hommes qui, lorsqu'ils tombent à terre, eh bien, ont des révélations philosophiques qui les hissent vers une sagesse supérieure. C'est le cas du personnage de Bolkonski dans Guerre et paix de Tolstoï. Gilles Marmas, cet extrait d'autant plus intéressant que si l'on sait, si l'on se souvient que Tolstoï, dans Guerre et paix, à la fin du texte, propose des réflexions sur le sens de l'histoire qui ne sont pas sans rappeler celles de Hegel et qui s'interrogent justement sur le moteur de l'histoire, à savoir est-ce le peuple ou le grand homme. Oui. Oui, et ce texte est absolument admirable, d'autant plus intéressant qu'il est très violemment anti-hegélien, en réalité. En quel sens ? Alors, si vous voulez, je n'ai plus Guerre et paix absolument en tête, mais il me semble que, deux choses au moins, Tolstoï dénie un rôle véritable à Napoléon. Hein, pour lui, donc, ce sont les hasards de la bataille qui décident du sort de celle-ci, hein, beaucoup plus que la vision du stratège. Hein, et on voit déjà dans ce texte que Napoléon a un comportement quasiment ridicule dans cette affaire. Et autre chose, la vision du prince Andrei, finalement montre que ce qui est important, c'est pas du tout la bataille, hein, c'est plutôt par exemple la course des nuages dans le ciel. Nous avons une sorte d'élévation au-dessus du champ de bataille. Et là aussi, je dirais qu'il y a une différence avec Hegel en un sens, parce que Hegel, lui, il pense que dans les batailles, l'histoire se joue effectivement, pas forcément dans toutes les batailles, mais Hegel pense que l'histoire avance par le conflit. Hein, notamment par le conflit entre des peuples, hein, entre des peuples qui chacun incarne des principes de la liberté contradictoires, et que effectivement la question est de savoir qui va l'emporter, hein, quel type de liberté aura la suprématie, et cela se joue notamment sur les champs de bataille, hein. Et les batailles les plus importantes pour Hegel étant notamment celles qui ont opposé le monde grec au monde perse lors des guerres médiques, hein. Par exemple Marathon et Salamine. Et il explique que là, hein, on a affaire au conflit entre le despotisme oriental et la belle liberté grecque. Et donc, il était à peu près inévitable que la liberté grecque l'emportât. Pourquoi ? Parce qu'elle était politiquement plus légitime. Mais cela s'est bel et bien joué sur le champ de bataille. Mais est-ce que Tolstoï est aussi anti-hégélien que cela? Parce que dans ses réflexions sur l'histoire à la fin de Guerre et Paix, encore une fois, il montre que Napoléon et les grands hommes ne seraient rien sans le peuple qui les a aidés sur le champ de bataille, qui les a conduits là où ils sont. En effet. Sur ce plan, peut-être que Tolstoï rejoint Hegel sans en avoir conscience. Hein. Disons que l'un et l'autre, enfin, si j'en crois ce que vous nous dites, Gilles Marmas, si Hegel pense que le peuple est le moteur de l'histoire, l'un et l'autre pense que ce sont les peuples qui font l'histoire et pas les grands hommes. Oui. Alors, disons que pour Hegel, quand même, le peuple a besoin du grand homme, précisément parce qu'il ne sait pas ce qu'il veut. Mais en même temps, le grand homme se borne à faire advenir, comment dire, une volonté qui de toute façon tente à se déployer. Et présente, mais de manière inconsciente. C'est exactement ça. Par exemple, lorsque Robert Badinter abolit la peine de mort, alors que le référendum laissait penser que les citoyens français étaient contre l'abolition de la peine de mort et qu'il le fait quand même. Oui. Il entre ici dans la catégorie de l'homme qui décide pour le peuple, qui sait mieux que le peuple lui-même ce qu'il veut. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, personne ne veut revenir en arrière. Et je crois qu'on peut tout à fait faire ce type d'analyse. Hein. Une des thèses de Hegel qui est importante et qui peut-être est discutable, c'est que le grand homme ne peut pas être en avance sur le peuple. Quelqu'un qui serait vraiment en avance sur son peuple, qui serait peut-être qu'on pourrait nommer donc un utopiste, eh bien Hegel le qualifie d'enthousiaste ou d'aventurier, je l'ai dit il y a un instant, et ça, de sa part, ce n'est pas un compliment. Vous voyez, le grand homme, il est vraiment novateur, mais pas au point de transgresser la volonté virtuelle du peuple. Il est connecté au peuple d'une manière ou d'une autre. Il est un homme de son peuple. Ouais. Il est un homme de son temps. Voilà. Et vous savez, c'est une phrase bien connue. Hein, nul ne peut sauter à pieds joints par-dessus son temps. C'est une phrase de Hegel. C'est une phrase de Hegel. Voilà. Hein, qui est très importante. Et je crois qu'on n'est pas obligé d'être d'accord avec cette phrase. Hein. On peut penser que nous avons aussi besoin de visionnaires qui sont réellement, enfin, qui sont plus en avance que la volonté inconsciente du peuple. Là aussi, on décèle un optimisme de Hegel qui part du principe que le peuple est capable de se donner son homme, son grand homme nécessaire, celui qui vient, et que le peuple, disons, a le discernement idoine pour pouvoir avancer, et qu'il veut la liberté. Oui, voilà. Mais vous voyez, qu'est-ce que ça implique, par exemple, que si au sein de l'Empire grec s'était levé un abolitionniste, quelqu'un qui aurait politiquement proposé l'abolition de l'esclavage. Bon, pour Hegel, ça aurait été un aventurier, purement simplement. C'était trop tôt. C'était trop tôt, il aurait d'ailleurs inévitablement échoué. Donc vous voyez, c'est en ce sens qu'il n'est quand même pas si optimiste que cela. Pour lui, il y a des innovations qui sont tout simplement impossibles en certains lieux et à certaines époques. Une autre phrase de Hegel qui résume ce qu'il veut dire et qui est resté connu sans qu'on la comprenne forcément, c'est celle de ruse de la raison. Ah oui. On la trouve dans ce texte, dire que l'histoire fonctionne d'après une ruse de la raison. Qu'est-ce que ça signifie, Gilles Marmas ? Alors, qu'est-ce que c'est que la ruse Parce que raison. Ça laisse penser, contrairement à ce que vous disiez, que la raison, vous avez dit en début d'émission, quand on dit que l'histoire est rationnelle, ça ne veut pas dire qu'il y a un sens qui se décide malgré nous, au-dessus de nous, et que nous ne serions que des pantins, que ce sens vient agiter à l'aide de ficelles imaginaires, mais qu'au contraire, il faut comprendre que la raison est en chacun d'entre nous. Oui, tout à fait. C'est une action rationnelle, c'est une action qui est aussi individuelle, et en cela, nous sommes partie prenante de l'histoire. Parler de la ruse de la raison, en mettant R majuscule à raison, laisse penser quand même qu'il y a une sorte de raison qui plane au-dessus de nous et qui sait mieux que nous, puisqu'elle est rusée. Alors, je dirais que la ruse de la raison, c'est une dimension du progrès historique. Mais ce n'est pas la seule dimension. Alors, je m'explique. Il y a ruse de la raison quand, de manière générale chez Hegel, quand la réalisation d'un but s'opère dans l'extérieur et au moyen d'un instrument. Ce qu'il y a comme corrélatif, je vais donner un exemple, que le but, premièrement, est fini, et que, deuxièmement, l'instrument est sacrifié. L'exemple que donne Hegel, on est pour l'instant tout à fait en dehors de l'histoire, c'est tout simplement le paysan qui laboure son champ, et comment est-ce qu'il laboure son champ ? Avec une charrue. Bon. Et alors, le but du paysan labourant son champ est évidemment relatif. Ce n'est pas une fin en soi que de labourer son champ. C'est pour pouvoir semer et pour pouvoir récolter et pour pouvoir s'enrichir. Et par ailleurs, l'instrument, la charrue, ne peut servir qu'à un seul usage, labourer. Et par ailleurs, va être usé dans cet usage. Bon, alors vous voyez, ça c'est l'exemple tout à fait extra-historique que Hegel propose dans la science de la logique, par exemple. Bon. Alors, dans l'histoire, hein, qu'est-ce que ça nous donne dans l'histoire? Alors, ceci que, en un sens, les hommes et les peuples sont instrumentalisés, hein, et qu'ils sont sacrifiés, qu'ils sont usés, comme la charrue du paysan, qu'ils sont usés et finalement sacrifiés, aux fins de l'histoire. Par exemple, hein, on peut dire que le peuple romain, hein, eh bien, va advenir, mais sera finalement défait. L'Empire romain sera vaincu. C'est la chute de Rome, tout simplement. Et finalement, à quoi aura servi le peuple romain? Simplement à servir d'intermédiaire entre le monde grec et le monde européen moderne. Alors donc, la ruse de la raison, si vous voulez, on parle de ruse de la raison, hein, lorsque les peuples ne sont pas seulement des fins en soi, lorsque les hommes ne sont pas seulement des fins en soi, mais sont sacrifiés. J'ai donné l'exemple du peuple romain, mais nous avions évoqué le grand homme, il y a un instant, hein, César en un sens, est sacrifié pour le bien du peuple romain lui-même. Alors vous voyez, là on peut parler de ruse de la raison. Ouais. Mais je dirais que il n'y a pas que ruse de la raison dans l'histoire, parce que les hommes et les peuples sont aussi des fins en soi. Voyez, le peuple romain est sacrifié, si l'on veut, mais pas purement et simplement, parce que il a lui-même des fins, et ces fins, c'est-à-dire par exemple exister comme empire, hein, exister avec un régime politique qu'il exprime, et ces fins, tout simplement, il va les réaliser. Donc voilà, la ruse de la raison, dirais-je, c'est l'aspect irrationnel de l'histoire, qui est incontestable, mais il y a aussi des aspects de rationalité. Irrationnel et dangereux, puisque vous parlez Hegel parle d'instrumentalisation d'un peuple par l'histoire. Là encore, ce qui laisse penser qu'il y a comme une instance supérieure que serait l'histoire. On peut imaginer combien dangereux serait celui qui s'emparait de cette phrase pour justifier des actions terribles en disant « mais oui, vous êtes un peuple instrumentalisé, décimé, c'est au nom du bon déroulement de l'histoire ». Parfaitement. Comment dire? Alors, vous voyez, je ne dirais pas, encore une fois, qu'il existerait aux yeux de Hegel une instance extérieure à l'histoire. Non. Par exemple, une providence qui tirerait les ficelles de l'histoire. Ce qui condamne le peuple romain, c'est pas une providence, c'est sa propre finitude. C'est le fait que, il ne sait pas que tout homme est libre. Le peuple romain est esclavagiste. C'est pour cela qu'il périra, dit Hegel. Mais en même temps, il est tout à fait juste cette idée d'instrumentalisation qui est bien présente chez Hegel peut nourrir des discours de justification du malheur. Et qu'il y a là, en effet, quelque chose de problématique. Lorsque on dit, vous avez été vaincu, effectivement, vous êtes asservi, mais c'est pour le bien général de l'histoire. Vraiment, il vaut mieux ne pas être d'accord avec ce genre de propos. Rappelons aussi que l'idée de ruse de la raison rappelle le plan caché dont parle Emmanuel Kant dans l'idée d'une histoire universelle du point de vue cosmopolitique. Oui. C'est une idée en vogue, qu'on trouve dans plusieurs textes contemporains, quasi contemporains, voilà, d'un dessin. Exactement. EIN qui se joue malgré l'homme lui-même. Un autre contresens qu'on peut faire sur Hegel, une autre manière de le détourner peut-être de son sens, et ça a été fait, c'est de lire les pages de La raison dans l'histoire qui parlent de l'Afrique et qui disent dans cette partie principale de l'Afrique, il ne peut y avoir d'histoire proprement dite. Et là, on pense à Gomino, on pense au discours de Nicolas Sarkozy il n'y a pas si longtemps. Voilà. Et tout ça vient de Hegel. Oui, tout à fait. Enfin, en tout cas, peut se réclamer de Hegel. Je ne pense pas qu'il soit le seul à avoir défendu ce type d'idée, mais effectivement, on le trouve chez Hegel, c'est parfaitement choquant et cela doit être critiqué. Mais simplement, alors, si je peux donner quelques éléments de contexte. Oui, allez-y. Et puis, en plus, on s'approche de la fin, donc ne terminons pas sur cette idée-là. J'imagine que je vais absolument pas chercher à défendre Hegel. Loin de moi cette idée, mais simplement, on peut expliquer. Hegel lit les historiens de son temps. À l'époque de Hegel, il n'y a pas d'histoire de l'Afrique. D'où l'illusion un peu naturelle selon laquelle il n'y a pas de progrès dans le monde africain. Bon, c'est un préjugé. C'est parce qu'il n'y a pas d'historien, donc du coup, on a l'impression que rien ne s'y passe, c'est ça? Voilà, parce que Hegel a tendance à faire confiance aux historiens de son temps. Et par ailleurs, de manière plus générale, il pense que ce qui est effectif se manifeste. Or, lui, il ne voit pas de manifestation. Voilà, s'il ne voit rien, c'est qu'il n'y a rien. Voilà, exactement. C'est un côté Saint Thomas. Voilà. Mais bon, alors, voyez, je pense qu'il a eu tort, c'est clair, sur ce point. Eh bien, on terminera là-dessus, Gilles Marmas. Un grand merci d'être venu nous parler de Hegel et de l'histoire aujourd'hui. Je renvoie à votre livre « Hegel, une philosophie de la réconciliation » qu'on trouve aux éditions Ellipse, ainsi que « L'histoire hegelienne entre malheur et réconciliation », c'est chez Vrin. Et enfin, puisque ça fait la transition vers l'émission de demain, « Hegel, penseur du droit » aux éditions du CNRS. Tell me a story, tell me a story, tell me a story, remember what you said. You promised me, you said you would, you gotta give in so I'll be good. Tell me a story, then I'll go to bed. Oh, worry, worry, weary ends my day. Comes the time to go home without my raise and pay. Home by the fire where a man can just relax. Slippers there by the chair, not a worry, not a care. Along comes Junior, swinging his little axe. Tell me a story, tell me a story, tell me a story, remember what you said. Tell me about the birds and bees, how do you make the chicken sneeze. Tell me a story, then I'll go to bed. Came home so late one evening last July. Played a little poker, the time had passed me by. Shoes in my hand and my darling wife in bed. Up the stairs saying a prayer, then a voice comes through the air. Hiya there, Daddy! Remember what you said. Comment raconter l'histoire à son fils et inversement? C'est Frankie Lane et Jimmy Boyd, Tell Me a Story sur France Culture, les chemins de la philosophie. Il est temps de retrouver le journal de la philo de Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Pour votre journal de la philo, vous revenez aujourd'hui sur une figure en pleine renaissance. Oui, la figure de la sorcière. Longtemps chassée puis oubliée, elle revient depuis quelques années. Où, pourquoi cela vaut-il pour la philosophie? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Et déjà, voyons où elle fait son retour. Eh bien, dans des colloques et des revues littéraires, le numéro 5 de Muse Médusa consacrait ainsi tout un dossier aux figures d'un pouvoir clandestin. Dans des films, I Am Not a Witch, de la réalisatrice Rungano Nyoni, dans des mouvements militants féministes, les Witch Blocs par exemple, et parfois même dans les deux livres et films engagés, comme ceux de l'artiste Camille Dusselier, à qui l'on doit le guide pratique du féminisme divinatoire et Sorcière mes sœurs. Cher Monsieur l'évêque de Paris, je m'appelle Chloé Delhomme. Je suis un personnage de fiction. Je suis d'une lignée d'Ève ou toujours Aude Lilith. Notre sang est vicié depuis des générations. Elle priait Dieu autant que le diable, les femmes de ma famille. Toutes de mauvaises mères, mauvaises femmes, orgueilleuses, rebouteuses, maniaco-dépressives qui font tourner les guéridons et la mayonnaise quand elles... Est-ce que ça fait de moi une sorcière ? Alors pourquoi un tel retour de la sorcière ? À quoi doit-on ce retour en grâce de cette figure soit persécutée, soit ignorée, soit complètement lissée, hein ? Je rappelle quand même que la sorcière la plus connue ces dernières années, c'était quand même Samantha de La Sorcière bien aimée. Alors où et pourquoi un tel retour ? Ces deux questions vont de pair. Ce n'est effectivement pas un hasard si les sorcières reviennent aujourd'hui à la faveur de tout un questionnement sur les femmes longtemps restées dans la clandestinité en raison de leur mystère soi-disant originel et naturel. L'artiste Camille Dusselier, dont on a entendu l'extrait de son film « Sorcières, mes sœurs », mais aussi les militantes américaines Barbara Ehrenreich et Deirdre English, à qui l'on doit le best-seller « Sorcières, sages-femmes et infirmières », paru en 1973, mais seulement sorti en France en 2015. Il y a aussi l'historienne Sylvia Federici, auteure de « Caliban et la sorcière », les écrivaines Starwalk et Chloé Delhomme, qu'on a entendu. Qu'elles soient aussi écologistes et marxistes, toutes se revendiquent féministes et sorcières, les assumant comme des synonymes d'exclusion, de pouvoir mystique, de savoir magique. Toutes font ainsi le choix de retourner le stigmate et de l'arborer. Pour un sorcier, 10 000 sorcières. Nature les a fait sorcières. C'est le génie propre à la femme et son tempérament. Elle naît fée. Par le retour régulier de l'exaltation, elle est sibylle. Par l'amour, elle est magicienne. Par sa finesse, Sa malice, souvent fantasque et bienfaisante, elle est sorcière et fait le sort, du moins endort, trompe les mots. Parmi les textes les plus connus sur les sorcières, on ne peut pas passer à côté de celui de Jules Michelet. Il condense ici, dans l'introduction de son livre de 1862, l'idée que l'on s'en fait et le choix aussi féministe de le devenir. Mais voilà, ce choix est-il une manière d'assumer la subversion des sorcières ou de les légitimer et d'en perdre peut-être le côté sulfureux? Comment penser cette articulation actuelle entre légitimation et subversion? Eh bien, c'est une question toute philosophique que l'on peut donc soulever sur les sorcières, et c'est aussi une manière de voir quelle place leur faire en philosophie. Car il faut le dire, celle-ci n'est pas énorme. De sorcières ou sorciers, les philosophes ne parlent pas frontalement. Alors on peut penser à Foucault, qui l'évoque au détour d'une interview en 76 dans les Dits et Écrits, mais il préfère effectivement les sorciers, aux sorciers les posséder. Il y a aussi Jean Bodin, l'inventeur du concept de souveraineté au XVIe siècle, qui était aussi démonologue et qui nous a laissé en 1580 de la démonomanie des sorciers. Et puis en filigrane, par ses descriptions dans le deuxième sexe, Simone de Beauvoir souligne et préfigure l'identité femme sorcière. Mais c'est à peu près tout. Alors quelle place philosophique faire à la sorcellerie et à ses figures? Mon Dieu, voici Maléfique! Que vient-elle faire ici? Mais il y a là tout le beau monde, roi Stéphane. Leurs altesses, la noblesse, l'aristocratie et... il y a aussi la racaille. Je me sens vexée, sachez-le, de ne pas avoir eu d'invitation. Votre présence n'était pas désirée. Vraiment? Ah! Oh, et vous osez l'avouer sans honte? J'avais espéré que ce n'était là qu'un fâcheux oubli. De la même manière que la maléfique de La Belle au bois dormant a été exclue, on peut dire que la sorcellerie l'a été de la philosophie, trop magique, trop mystique. Elle oppose un défi à la raison et aux normes, elle incarne la question de l'altérité et de son intégration, mais c'est pourtant par là qu'elle pourrait aussi exciter les philosophes. Notons-le, Bergson a ainsi réhabilité le mystique dans ses deux sources de la morale et de la religion, et puis récemment Magic de Laurent de Sutter qui est paru au PUF en 2015, et puis aussi La philosophie de la magie de Rémi David aux éditions Autrement en 2017, ou encore l'édition 2016 de la semaine de la pop philo, témoignait de cette fascination de la pensée pour la magie. Alors pourquoi pas les sorcières? Résistance, savoir, solidarité, pouvoir du corps, elles ont tant de choses à dire aux philosophes. Si vous le dites Géraldine, alors appelons-en à une philosophie de la sorcellerie, puisqu'on a entendu une chanson des Monty Python et ça fait penser à un sketch très drôle sur les sorcières, peut-être qu'on le mettra en ligne sur votre journal de la philo. Pourquoi pas, ce serait drôle. Et puis pour prolonger, il y a la série documentaire de Perrine Cavran diffusée sur France Culture il y a quelques semaines par Céline Duchesnay et Laurent Polrecki, abordait cette question des sorcières. Puis je cite les éditions Cambourakis où l'on trouve la nouvelle édition du guide pratique du féminisme divinatoire de Camille Dusselier, puis les textes de Starwalk, de Barbara Ehrenreich et d'Erd English. Merci Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Merci à Isis Jourda qui a préparé cette émission avec Maude Markiewicz, David Pargamin, Marianne Chassor, Marie Aubert, Géraldine Mosna-Savoie bien sûr, Milena Eilig qui réalise cette semaine, Pierrick Monsigny qui était la prise de son aujourd'hui. On se retrouve demain pour la suite et fin de cette série sur le philosophe Hegel. Demain, nous parlerons de droit, car le droit, c'est la vie pour Hegel. Mais oui, et c'est Jean-François Kervégan qui viendra vous expliquer pourquoi. D'ici là, pour écouter cette émission, ainsi que toutes les précédentes consacrées à Hegel, mais aussi celles des semaines précédentes, eh bien rendez-vous sur le site de France Culture, à la page des Chemins de la philosophie, vous pourrez les réécouter en ligne, mais aussi les télécharger, les podcaster pour les écouter à l'heure de votre choix. Rendez-vous également sur les réseaux Twitter, Facebook, Instagram, où nous attendons vos remarques et commentaires. On se retrouve demain à 10h donc. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.